Hier, nous avons eu un merveilleux moment de sortie pour partager la grâce. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui habitent dans les quartiers et qui ont été visités par un frère, une sœur, deux frères hier le soir? Vous êtes venus prier avec nous, vous avez reçu une invitation, vous êtes là, nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur. Pouvez-vous manifester? Levez-vous. On acclame bien, on les accueille bien. Alléluia. En fait, nous sommes dans la semaine des grâces insondables. Et le Saint-Esprit nous a dit d'aller partager ces grâces aux bien-aimés qui vivent autour de nous. C'est ce que nous avons fait. Et je vous annonce que ce que Dieu a fait et permis pour vous, il l'accomplira. Le Dieu qui a écouté vos prières hier, il va vous exaucer. Il est fidèle. Hein? Il est fidèle. Il ne se rétracte pas dans ses engagements. Il ne fait jamais rien pour rien. Ce qu'il accepte de faire, il le fait vraiment et il le fait bien. Alors vous êtes bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui était là au courant de la semaine? Je peux voir les mains. Levez bien les mains. Ok. Qui n'ont pas été là au courant de la semaine? N'ont pas eu l'occasion? Levez bien les mains aussi. Ah, yeah. 40%. Qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, profitez. On a appris beaucoup de choses au courant de la semaine. Et faites un effort d'être là. Comme nous ne saurons pas revenir dans tout ce qu'on a enseigné, j'aimerais vous conseiller de prendre les supports audio qui sont disponibles à la table de littérature pour écouter le message. Et Radio Sao Tienjili, est-ce que ça passe? À 16h aujourd'hui. Et au courant de la semaine? C'est à 20h30. Donc, on peut écouter le message. Si vous avez raté, vous n'avez pas pu être là, attendez 20h30. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps, vous êtes coincé au bureau et que vous finissez à 18h, alors profitez de 20h. Venez. Venez à 20h. Venez prier. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les grâces insondables sont disponibles. Amen. Alors, nous avons commencé de parler donc de notre thème, infiniment au-delà par sa grâce. Et au début de la semaine, nous avons commencé d'aborder un aspect de notre thème que nous avons appelé les phares pour comprendre notre thème. Mais nous avons abordé comme premier phare qui peut faire. Et nous avons parlé pendant, je crois, 2 jours de qui peut faire. Ensuite, nous avons parlé de par la puissance qui agit en nous. Nous avons vu quelle est cette puissance. Et nous avons vu que c'était Dieu, c'était le Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Et puis nous avons commencé d'aborder infiniment au-delà. Et nous avons vu que dans infiniment, dans ces concepts-là, il y a plusieurs domaines et plusieurs facettes. Quand Dieu agit infiniment pour toi, il y a certaines facettes de ces infiniments. Et nous avons abordé comme première facette, il peut faire infiniment en qualité au-delà de ce que tu penses ou que tu attends. Nous avons vu deuxièmement, il peut faire infiniment en quantité au-delà de ce que tu penses ou que tu attends. Et puis ce matin, je voudrais partager sur la troisième facette de ce que Dieu peut faire. Il peut faire infiniment en capacité. Il peut faire infiniment en capacité. Alléluia. En effet, Dieu, dans sa manière d'agir envers les humains, surtout ceux qui ont accédé à sa grâce, nous sommes nombreux sur la terre et même dans les églises. On peut être dans une église et on n'a pas accédé à la grâce. Au courant de la semaine, nous verrons certaines voies d'accès à la grâce. Nous allons voir ces chapitres-là, les voies d'accès à la grâce. En effet, Dieu peut agir infiniment en qualité. C'est-à-dire que certaines bénédictions sont des qualités. Et certaines ne sont pas des qualités simplement par le fait qu'elles ne sont pas accompagnées du cœur de joie de Dieu. Et nous avons vu par là le cas d'Ismaël et le cas d'Isaac, deux fils d'Abraham, l'aîné et le second, Ismaël étant l'aîné, et que Dieu vient apparaître à Abraham et lui dit, écoute, l'année prochaine, ta femme mettra au monde, et Abraham rit. Et il dit, que Ismaël vive devant toi. Ça suffit. Ça fait 14 ans que Ismaël est né. Et puis ça fait 25 ans que tu m'avais promis l'enfant de la promesse. Il n'est pas venu. Bon, contente-toi d'Ismaël. N'est-ce pas que j'ai vieilli? J'aurai 100 ans. Ma femme aura 90 ans. Laissons passer comme ça. Dieu dit, certainement ta femme aura un enfant et tu l'appelleras Isaac. Je conclurai alliance avec lui. Voilà la qualité. C'est-à-dire, Dieu s'engage avec son cœur. Dieu décide de mettre son cœur dans le choix, dans la bénédiction qu'il propose. Isaac n'est pas encore né. Mais Dieu dit, cet enfant qui n'est pas encore né, n'est même pas encore conçu, je conclurai alliance avec lui. On pourrait dire, cet enfant qui n'existe pas, un peu comme toi aussi, pour beaucoup déjà, tu n'existes pas. Mais Dieu peut te choisir par sa grâce. Et nous voyons Dieu, juste après avoir parlé d'Isaac, il dit, pour Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai, il sera grand, il aura une descendance multitude, et puis il sera riche à l'infini, il sera. Il est donc béni Ismaël aussi, par l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Mais Dieu bénit Ismaël sans enthousiasme. C'est comme un parent qui assume une responsabilité. Certaines bénédictions que nous recevons de Dieu sont juste le produit d'un Dieu qui se considère comme responsable et qui dit, bon, je n'ai pas de choix, laisse-moi lui bénir. Un peu comme il est écrit, il donne sa pluie au bon et au méchant. Pourquoi tu donnes aux méchants? Ils ont péché contre toi. Ils ont égorgé les gens. Ils ont kidnappé. Pourquoi tu leur donnes la pluie? Dieu dit, c'est moi qui les ai créés. C'est ma responsabilité. C'est-à-dire, je ne peux que le faire. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons ce genre de bénédiction. Où on peut même venir témoigner, alléluia. Mais la bénédiction en question, bon, Dieu ne pouvait que le faire. Regarde, Tu es né, tu as l'intelligence, tu vas à l'école et puis tu finis la licence. Bon, même les païens finissent les licences. En fait, Dieu est en train d'assumer sa responsabilité sur toi. Il ne peut que le faire. Mais les bénédictions juteuses, les bénédictions agréables sont ces bénédictions que Dieu vous donne comme en vous adoptant. C'est comme si Dieu active ses sentiments envers toi. Dieu vous adopte. Dieu dit, pour lui, j'ai conclu alliance. Dieu dit, lui, je le veux. Celle-là, je la veux. Ça, c'est différent. Et ces qualités de bénédiction, ces bénédictions sont des qualités. Parce que Dieu est engagé dedans. Dieu est engagé dedans. Vous voyez, c'est un mariage où les oncles, les tantes ont décidé que Utao a Fulani, Nanjo Ville. Et puis, on a coulé na on a itika. Oh, la famille s'est réunie et ils ont dit que tu vas marier tel. Point. Bon. Et tu constates que bon, mais. Tu l'as pris, et puis vous mettez quand même au monde, et puis bon, les enfants, en fait, ça va. Dieu assume sa responsabilité. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Recherche les bénédictions qui proviennent du cœur de Dieu. Ce sont des bénédictions de qualité. Elles sont des qualités supérieures. Parce que ce sont dans ces bénédictions-là où vous constatez l'empreinte infiniment dedans. Isaac est béni, mais entre sa bénédiction et la bénédiction d'Ismaël, vous constatez que pour Isaac, il y a un cachet infiniment dedans. C'est ce que j'appelle l'infiniment en qualité. Alléluia. Et donc, tu as besoin de la bénédiction en qualité. Dieu doit faire pour moi en qualité aussi, que Dieu t'accorde la qualité de ces choses qu'il te donne. Mais fais un effort. La Bible dit, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Fais un effort afin que tu deviennes la personne qui peut attirer ce cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous des six réponses auxquelles nous avons médité toute l'année, n'est-ce pas? Et qui nous montrent comment nous pouvons gagner le cœur de Dieu et obtenir que Dieu commence à faire des choses avec joie pour nous. Alléluia. Ensuite, nous avons vu que Dieu peut faire aussi infiniment en quantité. Et par l'expérience d'Isaac, toujours dans Genèse 26, nous avons vu comment Dieu l'a béni chez les Philistins. Abimélec, roi des Philistins dans une terre étrangère, où Isaac va être béni de telle manière que ça va susciter de la jalousie et on va le chasser du pays à cause de l'abondance, la bénédiction qu'il a eue, infiniment en abondance, au-delà. Il est écrit au verset 12, Genèse 26, Isaac s'éma dans ce pays, il récolta au centuple, il alla s'enrichissant, au point qu'il devait vraiment riche, tellement riche, infiniment riche. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est aussi, a aussi cette empreinte, cette facette de l'abondance, de la quantité. Que Dieu libère les bénédictions en quantité sur vous aujourd'hui. Et nous avons vu le cas de Salomon qui obtient une bénédiction en quantité. Alléluia. Alléluia. Salomon vient de passer roi dans 1 Chronique, chapitre, dans 2 Chroniques, le premier chapitre. Et il va pour offrir des offrandes à l'Éternel. Qu'est-ce que tu cherches, Salomon? Il dit, je cherche la sagesse et l'intelligence pour bien diriger le pays. Je ne sais pas, toi qui postules député, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Donne-moi d'être élu. Il y en a même qui ont commencé à imiter des cantiques chrétiens, j'entends ça derrière ici. Vous faites les campagnes. Je crois que quelque part, il faut respecter le sacré. Alléluia. Salomon, tu cherches quoi? Salomon dit, je cherche la sagesse et l'intelligence. Hein? Ok. Tu fais quoi? Il alla et il offrit 1000 holocaustes. Or, l'holocauste, c'était cette offrande qu'on donne à Dieu totalement. C'est-à-dire, si c'est une vache, vous allez brûler toute la vache totalement. Maintenant, 1000 fois, Salomon. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Il dit, devant moi, il y a un règne que je voudrais garantir. Un peu comme pour toi déjà aussi, devant toi, il y a un 2019 que tu voudrais garantir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui ne vivra pas en 2019? Vous voyez que vous êtes tués. Qui veut vivre en 2019? Tout le monde, hein? Même moi. Hein? Et il faut vivre. Parce qu'il y a de grandes choses que Dieu réserve. Alléluia. Alléluia. Salomon voit le règne qui est devant lui. Il vient de remplacer ou succéder un grand roi, son père. David, c'est cet homme qui a construit la nation d'Israël comme une nation organisée et correcte. Salomon, tu le succèdes. Et Salomon tremble. Et il dit, mais qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai besoin de sagesse et d'intelligence. Seigneur, comment vais-je obtenir grâce devant Dieu comme mon père? Il y avait des choses spéciales qui se faisaient avec mon père. Je crois que j'ai tout intérêt à rechercher le Dieu de mon père. Et il est parti, il a appelé le peuple, ils ont fait l'offrande. 1000 holocaustes de Salomon. Et ce parfum est monté devant Dieu. Et voici, la nuit, Dieu vient le voir. Et il lui dit, demande ce que tu veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux demander? Hein? Tu veux demander? Je crois que Salomon était décontenancé. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce qu'il y a un problème? Mon akwa makali na miye. Mais Dieu lui pose la question directe, demande. Et Salomon de lui dire, écoute, je veux tout simplement obtenir sagesse et intelligence pour bien diriger ce grand peuple, ton peuple. Pourquoi tu es venu, Seigneur? Je suis venu vérifier la motivation de ce jeune homme. Pourquoi tu as donné des offrandes? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je suis venu vérifier cela. Et Dieu constate, après sa vérification, que le petit dit vrai et que son cœur est vrai. Alors, Dieu dit, comme c'est ça que tu demandes, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé beaucoup d'argent, tu n'as pas demandé des choses, ta demande est authentique, correct, alors je te l'accorde. Et en outre, et c'est ça que j'appelle infiniment, hein, en quantité. Dieu lui dit, en outre, c'est-à-dire en plus de ce que tu as demandé, je t'accorde aussi la richesse de telle sorte qu'aucun roi avant toi n'aura été riche comme toi. Et aucun roi après toi ne saura être riche comme toi. Wow. Infiniment en abondance. Et au verset 15, il est écrit, et Salomon rendit l'or et l'argent commun à Jérusalem. Dans son règne, l'or et l'argent devint vulgaires. Il était tellement riche. Vous savez, les gens ont fait des voyages pour aller admirer Salomon, pour aller admirer le royaume de Salomon, pour aller admirer la sagesse et l'intelligence de Salomon. Ça a commencé où? Il a compris que ce Dieu avait une relation. Et il a compris que son père, plutôt, avait une relation et que son père avait un certain nombre de pratiques qui étaient le secret de sa force et de ses expériences avec les choses infinies. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Salomon, il va faire comme son père. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, sœur, nous avons le dimanche prochain annoncé l'offrande de sacrifice où chacun de nous, nous allons s'aimer pour 2019. Dites au voisin, je vais s'aimer. Je vais s'aimer. Nous, nous n'avons que 2019. Salomon a s'aimé pour tout son règne. Alléluia. Alléluia. Je veux s'aimer. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Donc il faut s'aimer en abondance. Il faut s'aimer en sacrifice. Afin de récolter proportionnellement à notre semence. Et Dieu dit à Noé, désormais, la loi des semences et moissons est établie. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y aura le jour et la nuit, la loi de la moisson et de la semence sera établie. Comme pour dire, quiconque sèmera, moissonnera. Et donc, ce que tu vas semer le dimanche prochain, tu vas le moissonner. Alléluia. Alléluia. La loi de la moisson et de la semence. Dieu honore la semence. Et quand elle est de sacrifice, elle produit davantage. Amen. Donc, prépare-toi pour ton offrande de semences et de sacrifices le dimanche prochain. Alléluia. Abordons rapidement les trois autres facettes qui restent. La facette de l'infiniment en capacité. Infiniment en capacité. Vous pouvez prendre 1 Samuel 16, 17 et 18. Nous avons toutes ces choses là-dedans. Infiniment en capacité. Dans 1 Samuel 16, verset 1er, Dieu dit à Samuel, pourquoi tu pleures sur Saül? Laisse tomber, j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur. Prends ta corne et remplis-la. Va chez Isaïe, trouve-moi quelqu'un. J'ai trouvé là-bas quelqu'un que je désire. Et il est écrit, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute mes volontés. Acte 13, 22. Qui accomplira quoi? Qui accomplira quoi? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes déjà rentré à la maison? Je peux vous voir? Ah, vous êtes encore là? Qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Il accomplira toutes mes volontés. Et quand nous regardons cet homme de David, il a beaucoup de leçons qu'il a laissées sur la terre au temps de sa génération. Les exploits que David a connus étaient une démonstration des interventions infiniment en capacité. En capacité. Il a vécu le surnaturel, David. D'où ça vient? Il pouvait attraper le lion et arracher sa brebis à ce lion. D'où tire-t-il la capacité? J'ai obtenu grâce devant Dieu. Et dans la grâce que j'ai obtenue, Dieu agit infiniment en capacité. Lorsque David s'avance contre Goliath, il s'avance, c'est un jeune homme. Toute l'armée n'a pas été capable d'oser devant Goliath. Mais un jeune homme qui vient derrière un troupeau, berger, il n'a pas fait la formation militaire. Je ne sais pas si on pourrait appeler, il a fait la formation animale ou quoi. Comment se battre avec les animaux? Et c'est ce que ce grand frère lui dit, toi, on te connaît, tu es orgueilleux, curieux, tu es venu regarder la guerre. Il dit, non, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va abattre ces messieurs qui vous fait fuir, voici 40 jours déjà. Et quand les grands frères Eliab et les autres ne comprennent pas, il les a quittés pour chercher quelqu'un d'autre. Finalement, on l'a introduit chez le roi. Et le roi l'écoute attentivement, il se dit, bon, ok, si je refuse que ce jeune homme aille combattre, bon. Ça fait 40 jours qu'on n'a pas quelqu'un. Essayons avec lui. Il ne savait pas que Dieu peut faire infiniment en capacité avec celui qui a obtenu grâce. Que la grâce que Dieu t'a offerte t'amène dans l'arène et la sphère d'opération en capacité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et Goliath cherche ses 5 pierres ou 6 pierres. David. Et puis il avance devant Goliath. Goliath dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Cherchez-moi un bon guerrier comme moi. Hein? C'est quoi là, vous me méprisez? C'est un chien que vous m'amenez. Je vais me dire, un chien comme ça? Et le petit dit, hein? Toi, tu vois ici un petit chien, hein? D'accord. Tu viens contre moi avec ton gros javelot et ton bouclier porté par quelqu'un d'autre. Vous savez, non? Celui qui portait le bouclier de Goliath, c'était quelqu'un d'autre, il est devant. Tu viens contre moi avec le javelot et le bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Au nom du chef de l'armée, des troupes de Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Tu vas me couper la tête avec des cailloux? Où est ton épée? Saül t'a donné l'épée, tu as dit, bon, bien vu si bijou. En fait, tu n'as jamais exercé les épées. Alléluia! Et le petit court devant Goliath. Et il lâche sa fronde, sa pierre, et ça entre droit dans le cerveau. Goliath est tombé. David a pris son javelot. Il lui a coupé la tête. Il l'a amené à Saül le roi. Et l'armée est encouragée. Et l'armée fait l'assaut sur l'armée de Goliath. D'où as-tu tiré cette force? Il peut faire infiniment en capacité. En capacité. Depuis quand cela est possible? Depuis que j'ai eu l'onction. On va parler de l'accès à la grâce au courant de la semaine. Ne ratez pas. Frères et sœurs. Et David, dans cette grâce qu'il a obtenue, s'est développé autour de lui ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Qui sont les vaillants hommes de David? C'était des hommes aussi mécontents dans la ville, dans le pays, et qui étaient aussi comme des laissés pour compte. Et ils se sont joints à lui. Mais David n'est pas un laissé pour compte. Lui, il est loin. Lui, il a l'onction. Lui, il a obtenu grâce. Dieu s'est engagé à cœur avec lui. De sorte que l'onction qui est sur David rayonne sur ses hommes. Et ils peuvent commencer à poser des actes surnaturels. Le infiniment en capacité à affecter même les hommes de David. Ils pouvaient poser des actes et c'était grave. Vous pouvez regarder cela dans 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel 23. Plutôt 2 Samuel 23. Il est écrit par exemple au sujet d'un homme vaillant, David, Josheb, Bachebet. Il est écrit, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. 800 personnes. Il brandit sa lance sur 800 personnes. Quelle capacité! Infiniment capacité. Un homme, une lance, 800 personnes. Il peut faire en capacité, infiniment au-delà. Et ceci est contenu dans la grâce que Dieu te propose. Reçois cette grâce. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer le Seigneur. Opérer en capacité, Dieu. Il est dit de Shama. Il est dit de Éléazar. Dans 23 à 10, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Shama, Éléazar, un individu contre une armée, il a frappé les ennemis jusqu'à ce que la main a collé l'épée. Il fallait qu'on vienne l'aider. Qu'on vienne l'aider pour aller vers l'épée. Il y a une combinaison de son esprit avec l'épée. De sorte que ça a collé. Ça, ce sont les choses infiniment en capacité. Comment un individu va affronter une armée? Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de guerres dans ta famille. Il y a beaucoup de combats dans ta vie. Quand tu obtiens la grâce, toi seul, par la capacité, l'infiniment capacité de Dieu, tu peux affronter toutes ces guerres de ta vie, toi seul. Même si ta main va rester collée, je ne sais pas si ce sera ta langue va rester collée parce que tu seras en train de combattre avec la... La main de Léazar a collé l'épée. Qu'est-ce que toi tu vas laisser coller? Parce que Dieu sera en train d'opérer. Il opère par toi. Au point que finalement ce n'est plus toi qui agis. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi finalement qui combat. Tu as beaucoup de combats. Souvent nous attendons ces refrains dans l'église. Pasteur, j'ai beaucoup de combats. Mais réfère-toi à Éléazar. Réfère-toi à Éléazar. Il pouvait combattre lui-même et gagner ses batailles parce qu'il a obtenu grâce. Et dans la grâce, Dieu pouvait faire infiniment au-delà en capacité. Quelqu'un reçoit ses capacités. Tu acclames le Seigneur et tu reçois ses capacités ce matin. Alléluia. Quatrièmement, il peut faire infiniment en perspective. En perspective divine. Au-delà. Alléluia. Dans Actes 13, 22, Dieu appelle David. En fait, dans 1 Samuel 16, 1 et 13, qui est référé par ce texte d'Actes des Apôtres, Dieu a pris David. Il dit, j'ai cherché un homme, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ok. Mais lorsque David l'a pris derrière le troupeau, David ne se rendait pas compte du contenu de cette affaire. Regardez, on l'a pris derrière les troupeaux. C'est un jeune homme. Il n'a pas beaucoup de choses. Il sait que son père Isaïe l'a éduqué, il l'a aidé, il lui a chargé de garder les troupeaux. Il pouvait même dire, mon père est injuste. Il m'envoie chez les troupeaux, mes grands frères, il les envoie dans l'armée. C'est un peu comme dans la famille, tu fais étudier tels enfants dans telle école meilleure que d'autres. Et les autres sont comme pénalisés du reste. Même le jour où Samuel vient pour chercher un roi dans la maison, David n'est même pas là. Et puis on fuit parmi tout le monde, il n'y a personne. Et Samuel, Dieu dit à Samuel, il n'est pas là, il n'est pas là. Samuel ne sait pas s'il y a un autre enfant, il pose la question au papa. C'est tout que tu as comme enfant? Regardez la réponse de Isaïe. Il dit, bon, il y a un petit qui garde le troupeau là. Il y a petit moi, petit. Mais c'est ton petit. Il est en train de devenir roi. Regardez, frères et sœurs, les perspectives de Dieu peuvent être infinies. Tu as négligé le garçon qui est derrière le troupeau. Or, c'est lui qui va te faire vieillir. N'est-ce pas Isaïe? Quand David a abattu Goliath, la promesse était la famille de celui qui va gagner Goliath sera affranchie des impôts. Mais celui qui va affranchir papa Isaïe des impôts, il est derrière les troupeaux. Les Eliab, les grands frères qui sont dans l'armée, ils fuient devant Goliath. Vous savez, parfois nous ne regardons pas comme Dieu regarde. Même dans la famille, tu peux négliger un de tes enfants alors que c'est lui sur lequel les perspectives infinies de Dieu reposent. Ne néglige aucun de tes enfants. Alléluia. Infiniment en perspective. Infiniment en perspective. Quand je suis allé dire à mon père que je voulais servir Dieu, il a pleuré. C'est toi que j'ai envoyé à l'école, aux études. Là. Maintenant, là, c'est quoi ça? Hein? Ces choses de qui sommes là, là, là. Qui sommes là? On sait ce que c'est que les pasteurs là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? N'est-ce pas que vous l'avez enterré ici avec honneur, ici, non? Alors, qui l'a fait enterrer avec honneur? C'est le pasteur. Est-ce que papa Mathieu avait compris les perspectives de Dieu sur cet enfant-là? Est-ce qu'il y a des perspectives divines sur ta vie? Est-ce que tu mesures ces perspectives? Ça paraît simple. Ouin David. Et puis Samuel prend la corne d'huile. Dieu lui avait dit, remplis la corne. Et on a renversé, on a versé sur la tête de ce jeune homme. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Il ne sait pas. Pourquoi on me dérange là, là? Je crois que ça coule et puis il dit, Il ne sait pas que c'est le décollage, le nouveau départ de son existence. Il ne sait pas qu'il y a des perspectives qui viennent de là en haut. Laisse-moi t'annoncer, il y a des perspectives en haut là-bas que tu n'as pas encore découvert. Ne néglige pas les paroles qui sont prononcées ici sur ta vie. Ne néglige pas les décrets. Quelquefois, on est habitué au sacré. Et on dit, bon, ce sera le 31. Le pasteur va encore dire des choses comme il dit souvent. Frère, c'est aussi par là que les perspectives divines infinies pour toi passent. Et quand tu les négliges, on a baki à Chini. Tu restes là. Il y a des perspectives. Dieu n'est pas fatigué de ta vie, de ton existence, même si aujourd'hui tu es rien. David était rien devant les troupeaux. Il sentait les troupeaux. Moi, j'ai gardé les troupeaux. Quand vous gardez les moutons, vous avez l'odeur de moutons. Vous gardez les vaches, on a nous comme ngombe. Si Dieu est là, on a nous comme pauvreté. Tu sens la pauvreté, c'est tout ce qu'on connaît de toi. Quand on te rencontre, c'est Oulanata Niombatena. Il veut encore me demander. C'est ça ton odeur. Quand on te voit dans les parages, bah, il va tendre la main. Quand on te voit venir, c'est ah, bas. Donc il 50 naenda. C'est ça ton odeur. David avait l'odeur des troupeaux, mais il ne savait pas quelles sont les perspectives sur sa vie. Dites à ton voisin, il y a quelque chose dans ta vie. Hey, il y a quelque chose. Hein? Tu ne vas pas finir comme ça. Pose la question au ciel. Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme perspective là-bas pour moi? Et lorsque tu le découvres et que tu entres dans ces perspectives de grâce, c'est la grâce, ça vient par la grâce. Tu pénètres dans cette grâce-là et tu commences à vivre les perspectives. David ne se rendait pas compte, avec ses mouillades d'huile, qu'il était en train de devenir le grand roi, celui qui va organiser la nation. Il ne savait pas que Eston parlerait de lui quelques siècles plus tard. Il ne savait pas qu'on va le lire dans la Bible. David, tu ne sais pas qu'on va te lire dans l'histoire. Peut-être dans 100 ans, on parlera de toi. Mais aujourd'hui, tu blagues avec chaque jour et chaque minute de ta vie. Tu ne te rends pas compte. Il y a des choses. Il y a des gens dans 20 ans qui t'attendent, qui voudraient être bénis par toi, qui ont besoin que tu rentres dans ta grâce, afin que dans 20 ans, ils obtiennent ce qu'ils devraient obtenir à 20 ans. Si tu ne fais rien aujourd'hui, ils ratent à 20 ans. Mais si tu entres dans ta grâce aujourd'hui, eux aussi, ils bénéficieront de toi. Les perspectives de Dieu sont merveilleuses. Elles sont infinies. Et David est allé dans la royauté. Il a gagné des combats. Il a gagné des guerres. Il a été un homme correct. J'aime ce qu'il dit à la fin de sa vie. Regardez le verset, le chapitre 23 là, du premier au septième verset. Et que quelqu'un lise cela avec moi. Peut-être tu es ici, tu es candidat député ou candidat quelque chose. Regardez cela avec moi. Instruis-toi de David, cet homme qui, après avoir vécu les perspectives de Dieu, dit quelque chose à la fin de sa vie. Le panier des offrandes va circuler en même temps. Vous pouvez passer. Alléluia. Que ton offrande soit bénie. Verset 20, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Isaïe. Est-ce qu'il y a un député ici? Est-ce qu'il y a des candidats ici? Lisez cela avec moi. Lisons cela ensemble, frères et sœurs. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. Tu seras haut placé. De loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu et pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. Alléluia. Quelle est ta motivation de postuler? C'est pour gagner ce grand salaire des députés ou des autres ministres? Qu'est-ce qui te motive? Quelques corruptions. C'est quoi qui te motive? Tu seras bien, tu vois, normalement, quand c'est le temps de se retrouver. Tu veux te retrouver. Et le 23, on va aller voter. Cherchons les gens qui répondent à ces critères. David dit, C'est comme le soleil du matin qui brille, qui amène les rayons et qui fait sortir la verdure de la terre. Le Grand Congo a besoin de cet homme qui va être comme un soleil qui brille. Il a besoin de ces hommes et ces femmes qui vont être comme ce soleil qui brille le matin et qui rentre. Soyez les bienvenus, hommes de Dieu. Il y a de la place. Nous accueillons le révérend Moboni de la bonne Bukavu. Karibu. Alléluia. Tu vas être voté, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelles sont tes motivations? Dieu descendit pour voir Salomon et vérifie quelle est la motivation de Salomon. Et vous avez vu la motivation de Salomon. Dieu, j'ai fait 1000 holocaustes pour que j'obtienne sagesse et intelligence afin de bien transporter ton peuple. Et toi, c'est bien afin de faire quoi? De terminer ton chantier? Ou d'acheter une maison en ville? Quelle est ta motivation? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou attendons en perspective. Infiniment en perspective. Les perspectives de Dieu sont merveilleuses, frères. C'est tout ce que tu peux chercher. Et David dit, quand le soleil luit, les herbes poussent. Que les herbes du Congo poussent. Parce que tu es là et tu éclaires. Tu distilles les rayons solaires, la lumière de Dieu qui sort du trône de Dieu sur la RDC. Tu la libères et le Congo pousse. La photosynthèse des êtres humains descend de toi. Et le pays va quelque part. Alléluia. Dieu est capable de ces perspectives-là avec un individu dans ce pays. Il suffit qu'il donne sa grâce. Alléluia. Cinquième facette du infiniment. Infiniment en volonté divine au-delà. Et là, nous prenons le cas de Saül, cet homme qui était en train de persécuter l'Église. Motivé et rempli de consécration. De consécration pour une mission méchante, mais pieuse. Une mission pieuse, mais méchante. Quelle mission? Je veux protéger la doctrine. Je veux protéger la loi. Je veux garantir le judaïsme, la religion de mon père Abraham. Ok, mais tu fais quoi le faisant? Je tue les disciples de Jésus. Et connais-tu le père d'Abraham? Connais-tu celui qui appelait Abraham? Je ne le connais pas. Mais c'est lui que tu es en train de frapper. Quelle est la volonté de Dieu pour Saul? Il est arrêté en cours de route. Il est ébloui. Il ne sait plus quoi faire. Et Jésus lui dit, il te sera difficile de gérer un peu aux aiguillons. Paul est coincé, il ne sait pas quoi faire. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, bon, tu entres dans la ville, on va te dire quoi là. Lorsque Saul est arrêté, il ne se rend pas compte de l'infinie volonté de Dieu sur sa vie. Il peut faire infiniment au-delà en volonté divine sur ta vie. Frère, sœur, tu n'as rien à chercher que de chercher la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Dieu, dans sa volonté parfaite, il y a des choses infinies. Et lorsque Jésus parle à Ananias, et lui dit, il y a un monsieur là-bas qui a les yeux fermés, il a été frappé d'aveuglement, va le voir. Il s'appelle Saul. Ananias dit, tu es le seul qui ne connaît pas cet homme-là. Mais il est venu ici pour attraper les chrétiens, tes disciples. Il est en train de les tuer. Tu as oublié le cas d'Étienne ou quoi? Jésus dit, mais c'est lui, tu vas. Quelle est l'infinie volonté de Dieu sur Saul? Il le révèle à Ananias et il lui dit, dans Actes 9, 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Y a-t-il un homme ici que Dieu a choisi? C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Saul, tu étais bloqué dans un petit projet là. Tu es bloqué dans un petit truc d'arrêter les disciples, d'arrêter les apôtres. C'est un truc drôle, alors que la volonté de Dieu pour toi, c'est les nations. Pour porter mon nom devant les rois. Saul, tu ne connais pas que la volonté infinie de Dieu sur toi, c'est les rois. Tu vas parler à des rois, pas un roi, à des rois. Tu vas parler à des nations, pas à une nation d'Israël. Tu vas aller au-delà de ta nation. Il dit non, non, non, mais moi j'ai été formé au pied de Gamaliel. Je crois que ça, il l'imagine dans sa tête. Mais Dieu a des choses infinies dans sa volonté. Alléluia. Frère, recherche la grâce. Recherche le cœur de grâce de Dieu. Lorsque tu attrapes le cœur de grâce de Dieu, toutes ces facettes du infiniment deviennent ton partage. Infiniment en qualité, infiniment en quantité, infiniment en capacitation, infiniment en perspective divine, infiniment en volonté divine. Recherche ces choses. Il peut faire infiniment au-delà dans toutes ces facettes. Pour toi, si tu découvres que tu as besoin de Dieu, de la grâce. Alléluia. Tu es peut-être ici, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. En fait, tu es en dehors de toutes ces choses-là. J'aimerais te donner l'occasion. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Tu peux commencer maintenant à rentrer dans l'arène de la grâce. Tu peux pénétrer la grâce à partir de maintenant. Si tel est ton cas, lève la main, j'ai prié avec toi. Nous recueillons devant Dieu et nous donnons l'occasion à quelqu'un ce matin. Peut-être tu es la seule personne. Lève la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Merci mon frère. Merci maman, merci. Merci. Tu peux entrer dans la grâce, tu peux pénétrer dedans. En fait, c'est pour toi quoi. C'est à cause de toi que ce message est venu aujourd'hui. Alors lève-toi, j'ai prié avec toi. Lève-toi simplement. Lève-toi. Lève-toi. Saul ne savait pas qu'il était en train de pénétrer dans une infinie volonté divine. David ne savait pas qu'il était en train de pénétrer dans des perspectives divines infinies. Tu veux y pénétrer ce matin? Lève-toi, nous t'attendons. Lève-toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, c'est pour toi. Je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. Priez avec moi, nous nous recueillons. Toi qui es assis, tu pries pour les amis. Suivez-moi dans cette prière. Dites: Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin. Tu as une bonne perspective sur mon existence. Je l'accepte. Tu as une bonne volonté pour ma vie. J'accepte. Mais j'ai marché loin de toi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'ouvre mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Je me donne à toi. Je m'offre à toi. Accepte-moi. Je ne suis plus digne de venir à toi. J'étais offensé au plus haut point. Mais ce matin, je me repens et je me tourne vers toi. Viens dans ma vie et sauve-moi. Je suis à toi. Je suis sauvé maintenant. Tiens-moi la main. Accompagne-moi dans tes perspectives. Accompagne-moi dans ta volonté infinie. Je te suivrai, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Je te servirai et je serai à toi. Seigneur, accepte ces hommes et ces femmes dans ta famille. Fais d'eux des gens de ta maison. Jésus, vient dans leur vie et sauve-les au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons tous ensemble et nous prions ensemble.